understand. Mommy, them a talk about me ambition. Say what make who them a talk about me ambition. Come and say some of them a ask me where me get it from. Tell some of them a ask me where me get it from. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy et ce pour la prochaine heure. Plein de bonne musique en téléchargement gratuit cette semaine. Beaucoup de trucs trouvés sur SoundCloud, donc une merveilleuse plateforme de diffusion musicale. Plein de trucs gratuits et donc en streaming sur ce site merveilleux. Cette semaine, une sélection aux accents, comment je pourrais dire, footwork, un peu de trap, donc une musique qui me fait beaucoup rire, des rythmes complètement saccadés et vraiment rapides. Donc cette semaine, on va débuter avec Ursulotte. Je vous fais entendre la pièce What's Entertainment, c'est tiré de l'album Wake Up Fake Pop. Ensuite de ça, on va entendre Sweezy Mac avec la pièce Big Butt. Et enfin, ça va être Donald Trunk avec la pièce Sushi Rolls. Keep it. C'était la pièce Sushi Rolls par Donald Crunk. C'était précédé par Sweezy Mac et sa pièce Big Butt. Et on avait débuté l'émission Web Music avec Ursulot. C'était la pièce What's Entertainment. On poursuit avec cette fois-ci une pièce de Emily Coy. C'est un remix par Krashen. C'est la pièce Slip By. Ensuite de ça, c'est DJ Slink et DJ Fresh Direct avec leur pièce Murder. Et enfin, le français Louis Futon avec Should I Known. C'est un remix par Gangs. Yeah. What you call for that China white? That China white. Thank you. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL 89,1. On vient tout juste d'entendre la pièce Shall I Known, c'est par Louis Futon. C'était un remix par Gans. Avant ça, c'était DJ Slink avec DJ Fresh Direct avec la pièce Murder. On avait écouté avant ça Emily Coy, c'était la pièce Slip By, un remix par Krashen. Et donc, ben c'est ça, l'émission va se poursuivre. On fait une courte pause, puis je vous reviens tout de suite après. CKRL. Québec. À découvrir, Raton Lover, un groupe aux accents indie qui nous présente son tout premier spectacle au Théâtre Petit Champlain. Une prestation riche en mouvements où les multi-instrumentistes font grimper l'atmosphère au rythme des chansons à la fois sensibles et énergiques. Raton Lover, le 11 septembre au Théâtre Petit Champlain. Réservation 692-2631 ou théâtrepetitchamplain.com. Nouvel album disponible en pré-vente sur iTunes. Je suis parti, le temps a bien joué son rôle. T'es mal pris, pis là, tu changes ton fusil d'épaule. Dans le cadre de la rentrée culturelle, le Cercle vient de dévoiler l'ensemble de sa programmation musique. Il accueillera sur scène nul autre que The Silverman Zion Memorial Orchestra, Dead Obies, Secret Chiefs 3, La Femme, Ben Frost, Corias, Candle et plusieurs autres. Découvrez dès maintenant la programmation art et culture du Cercle ainsi que l'ensemble de ses autres sphères d'activité au www.letraitdunioncercle.ca. Vous n'avez pas assez de temps pour vous et votre famille? Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage, le cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie à 100%. Évaluation gratuite. Visa et Mastercard sont acceptés. 1-844-255-LAV, 1-844-255-5283. Visitez notre site web pour les promotions en cours, www.gestigroup.com. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Si la sélection musicale vous intéresse, je vous recommande de vous rendre sur le site de l'émission, c'est au www.webmusique.ca, le web, je l'écris O-U-E-B-E. Donc, vous allez retrouver la playlist et les liens pour télécharger toute cette bonne musique. Donc, toutes les émissions précédentes ont leur playlist également. Donc, je crois qu'il y a plus de 300 quelques playlists. Donc, beaucoup de musique gratuite pour vous. Allez faire un tour, je crois que ça vaut vraiment la peine. On poursuit cette fois-ci avec Shake It Machine. Je vais vous faire entendre la pièce A Thousand Stars. C'est sur l'album compilation Sky Simulator. Donc, c'est la même pièce qui est remixée par différents artistes. Ensuite de ça, ça va être Colt Re-E avec la pièce H. Et enfin, ça va être Tommy Jacob avec une pièce au nom que je ne peux pas vous dire. Je crois que... Non, c'est ça, je peux pas vous le lire, c'est vraiment trop compliqué. C'est tiré de son album Lullaby. From the clip, Thank you. C'était une pièce de Tommy Jacob. Le titre est en hébreu, donc je ne peux pas vraiment vous aider. Je peux vous dire que c'est tiré de son album Lullaby. Avant ça, c'était Call Terry E avec la pièce H. Et on avait débuté le bloc avec Shake It Machine avec la pièce A Thousand Stars. On poursuit l'émission cette fois-ci avec James Dean. Dean, D-E-E-N, c'est la pièce Don't Care. C'est tiré de l'album Entertainment System. Ensuite de ça, c'est Service Area avec Samurai Power. Et enfin, Witch Doctor avec Night Love. C'était la pièce Night Love par Witch Doctor. Avant ça, on entendait Service Area avec Samurai Power. Et on débutait le bloc avec James Dean, la pièce Don't Care. Ça va malheureusement déjà être tout pour Webmusic. Je vous rappelle de vous rendre sur la page de l'émission au www.webmusic.ca. Vous pouvez aussi accéder à la page via le site de CKRL qui est au www.ckrl.qc.ca. Vous allez dans la section programmation et vous retrouvez Webmusic. Vous allez pouvoir retrouver la page de l'émission. On se quitte sur une dernière pièce, peut-être même une deuxième s'il reste un peu de temps. On va entendre Snake Hips avec la pièce On and On. C'est un remix par Alba. Et s'il reste un petit peu de temps, je vous fais entendre la pièce What a Joke par Balloon Fight. Donc, c'est ça, restez à l'antenne. Une belle sélection musicale tout de suite après, une sélection musicale de notre directeur musical Daniel Marcoux. Donc, restez à l'écoute de CKRL et passez une belle soirée à notre antenne. Laying out of pain. Téléchargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Yeah! Wow! Je l'ai enfin trouvé! Eh oui, encore un client satisfait qui sort de chez CD Méloman parce qu'il a trouvé le disque qu'il cherchait depuis longtemps. CD Méloman, le disquaire où l'on fait de belles trouvailles. Au 248 rue Saint-Jean à Québec, 418-525-1020. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17h30 et la fin de semaine de 11h à 17h. Écoauthentique, 160 rue Saint-Paul, écoauthentique.com. Bienvenido a casa. Québec. Québec. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. 89. C'est KRL. Je ne suis pas porté à l'autoflagellation. Québec.